Jérémie chapitre 42. Alors tous les capitaines des gens de guerre, et Johanan, fils de Caréa, et Jézanja, fils d'Ozaja, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent. Et dirent à Jérémie le prophète, que notre supplication soit reçue de toi, et fais requête à l'Éternel, ton Dieu, pour nous, savoir, pour tout ce reste-ci, car de beaucoup de monde que nous étions, nous sommes restés peu, comme tes yeux nous voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous déclare le chemin par lequel nous aurons à marcher, et ce que nous avons à faire. Et Jérémie le prophète leur répondit, j'ai entendu votre demande, voici, je m'en vais faire requête à l'Éternel, votre Dieu, selon vos paroles, et il arrivera que je vous déclarerai, tout ce que l'Éternel vous répondra, et je ne vous en cacherai pas un mot. Et il dira à Jérémie, l'Éternel soit pour témoin véritable et fidèle entre nous, si nous ne faisons selon toutes les paroles pour lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura envoyé vers nous. Soit bien, soit mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers lequel nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien, quand nous aurons obéi à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Et il arriva au bout de 10 jours, que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et il appela Johanan, fils de Caréa, et tous les capitaines des gens de guerre qui étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et leur dit, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers lequel vous m'avez envoyé pour présenter votre supplication devant lui. Si vous continuez à demeurer dans ce pays, je vous rétablirai, et je ne vous détruirai point, je vous y planterai, et je ne vous arracherai point, car je me suis repenti du mal que je vous ai fait. N'ayez point peur du roi de Babylone, duquel vous avez peur, n'en ayez point peur, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver, et pour vous délivrer de sa main. Même je vous ferai obtenir miséricorde, tellement qu'il aura pitié de vous, et vous fera retourner en votre pays. Que si vous dites, nous ne demeurerons point en ce pays, et nous n'écouterons point la voix de l'Éternel, notre Dieu. En disant, non, mais nous irons au pays d'Égypte, afin que nous ne voyions point de guerre, et que nous n'entendions point le son de la trompette, et que nous n'ayons point d'isette de pain, et nous demeurerons là. À cause de cela, écoutez maintenant la parole de l'Éternel, vous les restes de Juda, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, si vous vous préparez pour aller en Égypte, et que vous y entriez pour y séjourner, il arrivera que l'épée dont vous avez peur, vous attrapera là au pays d'Égypte, et la famine que vous craignez si fort, vous suivra en Égypte, tellement que vous y mourrez. Et il arrivera que tous les hommes qui auront tourné leur face pour entrer en Égypte, afin d'y séjourner, mourront par l'épée, par la famine et par la mortalité, nul d'eux ne restera, ni échappera de devant le mal, que je m'en vais faire venir sur eux. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, comme ma colère et ma fureur, a fondu sur les habitants de Jérusalem, ainsi ma fureur fondra sur vous, quand vous serez entrés en Égypte, et vous serez en exécration, et en étonnement, et en malédiction et en opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu-ci. Vous, les restes de Juda, l'Éternel a parlé contre vous, n'entrez point en Égypte. Vous sentirez certainement que je vous en ai sommé aujourd'hui. Car vous avez usé de fraude contre vous-même, quand vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en me disant, fais requête pour nous envers l'Éternel, notre Dieu, et nous déclare tout ce que l'Éternel, notre Dieu, te dira, et nous le ferons. Et je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni rien de tout ce pourquoi il m'a envoyé vers vous. Maintenant donc, sachez certainement que vous mourrez par l'épée, par la famine et par la mortalité, au lieu auquel vous avez désiré d'entrer, pour y séjourner.